Mr. Double Bass, I use Jam Taba. And it's very hard for me to understand the procedure. Non, ça se dit pas ça, the procedure. Mot 33. Now it's better because I got a delay. And it's impossible to understand what I say. I stop the delay. It's okay là? Oui, donc je voulais mettre deux pistes. Essayez. Est-ce qu'on les voit mes deux pistes? Est-ce que vous voyez? Do you see my two tracks? Yes. Ouais. Yes, I want to creating two track. Where is my keyboard? Ah mais ça marchera pas. Si tu mets un clavier, faut le mettre en piste. Oui. Ouais, ça j'ai fait. Par contre, j'ai une carte son qui a deux entrées, c'est tout, donc. Je peux pas mettre un clavier et un micro. Enfin en stéréo quoi. Je peux mettre un clavier moi. The piano. Ah. Ok, j'avais pas lu, pardon. Tu assignes tes pistes de Reaper. Ça marche pas, c'est parce qu'il faut aller sur route, c'est ça? Pendant que tu réponds, j'essaie. C'est là que ça bug, je comprends pas.